Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Tome 1er. Introduction. Parmi les nombreux travaux que nous a légués M. l'abbé Laverdière, se trouve une notice biographique du fondateur de Québec, modeste ouvrage que l'on peut considérer cependant comme le couronnement de la réédition de ce beau monument historique appelé « Œuvre de Champlain ». Cette biographie ne fait qu'effleurer les traits les plus saillants de la carrière du fondateur de Québec. Voilà pourquoi n'y rencontre-t-on que de courts passages relatifs à ses découvertes et à ses exploits dans la Nouvelle-France et le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Cette lacune devenait donc inévitable dans le cadre restreint que s'était tracé le très regretté bibliothécaire de l'Université Laval. En entreprenant d'écrire la vie de Champlain, nous avons résolu de ne rien omettre de ces longues courses aventureuses que notre fondateur a lui-même décrite avec une profusion de détails sur les coutumes et les mœurs des aborigènes que l'on est surpris de rencontrer sous la plume d'un écrivain peu familier avec les divers idiomes. Nous avons mis à cette tâche ingrate tout le soin possible. Cependant, nous devons avouer avec franchise qu'il nous a fallu du courage et de la persévérance pour extraire la substance de cette masse de renseignements jeter un peu pêle-mêle dans les deux éditions que comporte une partie intégrante de ses œuvres. Aussi, espérons-nous que le public nous pardonnera toutes les imperfections qui pourraient s'être glissées dans cet ouvrage pour ne tenir compte que de notre bonne volonté. Mais alors, dira-t-on, n'avez-vous pas trop présumé de vos forces en essayant d'écrire la vie de l'immortel Champlain, de cet homme extraordinaire qui fut non seulement le fondateur de Québec, mais encore le père de la Nouvelle-France? Nous ne le craignons que trop, hélas. Mais dites-nous, compatriotes, et vous surtout, citoyens de Québec, l'heure n'est-il pas sonnée où il importe de faire connaître par le menu les phases de la carrière mouvementée de ce fils de pêcheur, humble par la naissance, mais grand par le cœur et l'esprit, et devenu l'un des plus illustres rejetons de notre vieille mère patrie? Aujourd'hui, que le nom de Champlain est dans toutes les bouches, que, de toutes parts, des hommes noblement aspirés unissent leurs efforts pour ériger au premier gouverneur du Canada un monument digne du pays et de la ville qu'il a fondée, le moment n'est-il pas bien choisi de populariser ce héros, dont la vie fut consacrée au service de la religion et de la patrie? Faire connaître un homme aussi bien doué, n'est-ce pas, en outre, une œuvre utile? Si, en nous efforçant de remémorer les états de service de Champlain, nous avons constaté avec chagrin notre impuissance, d'un autre côté, nous aurons eu la consolation d'avoir travaillé, dans la mesure de nos forces, à grandir sa mémoire au sein de notre population. Avec nous, elle admirera sa conduite désintéressée, son détachement des biens terrestres, son courage, sa loyauté, sa foi profonde, son amour du prochain, enfin, tout ce bel ensemble de qualités qui ne se rencontre que rarement réunis chez le même individu, à un degré aussi éminent. Pourrions-nous vanter assez cet esprit d'abnégation qui lui fit endurer sans se plaindre l'ingratitude de certains interprètes et employés des marchands, cette charité à l'égard des indigènes et des colons qui le poussait à les protéger en toutes circonstances, le zèle qu'il déploya pour procurer la gloire de Dieu qui lui faisait dire que ni la prise des forteresses, ni le gain des batailles, ni la conquête des pays ne sont rien en comparaison du salut des âmes, et que la conversion d'un infidèle vaut mieux que la conquête d'un royaume. Ce même zèle qui l'induisait à traverser l'océan pour attirer des missionnaires de France, sa déférence enfin à l'égard de ces religieux qui n'eurent jamais de meilleurs amis. Ses nobles qualités du cœur brillaient en Champlain d'un vif éclat. Son intelligence n'était pas moins remarquable. Comme fondateur, il n'a jeté les bases que d'une seule ville, mais Il aurait bientôt attaché son nom à Montréal et aux Trois-Rivières si Dieu ne l'eût pas ravi si tôt à l'affection de son peuple. Il possédait à un haut degré le génie colonisateur et c'est dans ce rôle, si difficile de tout temps, qu'il fit preuve de sagesse et de clairvoyance, et dans le choix des colons, et dans la direction qu'il sut imprimer à leurs premiers efforts. L'intelligence de Champlain se révèle dans de nombreux écrits où l'observateur judicieux et pénétrant coudoie le savant et le marin aussi hardi qu'expérimenté. Comme cosmographe, il a eu l'immense mérite d'avoir surpassé tous ses devanciers par l'abondance des descriptions et l'agencement heureux des données géographiques. C'est un nouveau titre de gloire que l'on doit ajouter à sa couronne resplendissante de tant de rayons lumineux. Plusieurs historiens, même de ceux qui ne comptent pas parmi les admirateurs des œuvres françaises, lui ont rendu le témoignage d'avoir fait entrer la science cartographique dans une nouvelle ère de progrès. Naturaliste, géographe, marin, cosmographe. Champlain était tout cela à la fois et dans une mesure hautement remarquable pour l'époque où il vivait. Est-il besoin d'appuyer sur la moralité de notre vertueux fondateur? Qui voudrait exalter sa chasteté? Il lui suffirait de redire le témoignage des Hurons qui, plus de 20 ans après sa mort, se complaisaient à le citer comme un modèle de cette vertu angélique, particulière aux âmes d'élite et marquée du sceau de la prédestination. Pas un gouverneur, sous l'Ancien Régime, n'a donné d'aussi grands exemples de foi, de piété et de droiture d'intention. Aussi, que de beaux sujets d'édification à tirer de cette vie chrétienne, embaumée du parfum des plus héroïques vertus. Jetons maintenant un coup d'œil sur la carrière de Champlain. Esquissée à grands traits, elle nous fera mieux comprendre la marche que nous avons dû suivre dans notre travail. Nous avions d'abord pensé qu'un volume nous suffirait à faire aimer et bénir l'admirable dévouement de notre héros. Nous nous étions trompés. L'abondance et la richesse des matières nous ont forcés à diviser notre ouvrage en plusieurs volumes. Près de 40 années de voyages et de découvertes ne sauraient être racontées en moins d'espace que Champlain lui-même en a consacré, dans ses œuvres écrites, à relater les événements de sa vie. Aussi, tenons-nous de lui-même la plupart des renseignements qui nous ont servi à rapporter à notre tour les faits inhérents à sa personne. Avant de devenir fondateur des colonies, Samuel Champlain servit dans l'armée française par pur dévouement à la religion catholique. Ce fut le premier acte public de sa carrière agitée. Voulant ensuite goûter de la mer, il profita de la première occasion qui s'offrit pour s'engager sur une flotte espagnole, plutôt dans le but de s'instruire dans des voyages au long cours que de faire le coup de feu contre les ennemis de la fière et glorieuse Espagne. La Providence, qui dispose des hommes comme elle l'entend, et toujours pour le mieux, le tira de cette vie d'aventure pour le diriger vers nos plages auxquelles les Européens, jusque-là, n'avaient fait qu'aborder sans s'y établir. Si la France n'avait pas complètement oublié le Canada découvert par l'un de ses enfants, elle l'avait beaucoup trop négligé. Il était réservé au modeste Saint-Ongeois d'opérer ce prodige de réussir à attirer l'attention de la cour sur un pays qui appartenait à la couronne française par droit de découverte et dont elle devait plus tard, à ce titre, revendiquer la propriété. Pendant que Pierre de Gast perdait son temps et creusait sa bourse à vouloir coloniser l'îlet de Sainte-Croix et le port royal, Champlain utilisait son séjour en Acadie et reconnaissait le littoral de la Nouvelle-Angleterre. Il travailla en même temps, et non sans succès, à détourner les espérances de fortune qu'entretenait de Mont du côté de la Floride pour les concentrer sur les rivages du fleuve Saint-Laurent, l'ornement du pays. Alors, Québec fut fondé. Alors commença l'histoire de notre colonie avec son caractère d'héroïsme et de simplicité antique que lui communique, dit Ferland, la religion et l'origine du peuple canadien. Québec était fondé, mais tout était à faire, et avec quelles ressources? C'est ici que Champlain entre activement en scène. Que de luttes énergiques contre les monopoleurs du commerce des fourrures. Que d'ambitions de fortune à faire taire par-delà l'Atlantique. Que de rivalité à apaiser de ce côté-ci, là où le commerce offrait quelque avantage. Vivrait toute vive aux mains des marchands, dont les visées ne dépassaient pas le désir effréné de s'enrichir, la Nouvelle-France gémit pendant de longues années sous le régime ruineux des compagnies mercantiles. Champlain eut bientôt saisi leur tendance mercenaire et lui, qui voulait avant tout fonder une colonie stable, fut obligé de lutter sans relâche contre ces hommes qui se prévalaient de privilèges royaux pour détruire ce qu'ils édifiaient jour par jour au prix des plus pénibles labeurs. Rien ne lui semble difficile quand il s'agit de consolider son œuvre. En 20 ans, il traverse 18 fois la mer, souvent dans des vaisseaux si fragiles qu'il fallait avoir une témérité plus qu'ordinaire pour affronter une navigation aussi périlleuse. Chacun de ses voyages est pour le bien de la colonie. Prières, supplications, il met tout en jeu pour arracher à la cour un règlement de commerce qui ne soit préjudiciable à personne. Encouragé par les uns, rebuté par les autres, il n'hésite pas dans son désir de sauver les colons de la ruine. Mais un jour arriva, jour 3 fois malheureux, où il lui fallut céder devant le plus terrible ennemi qui ne se fût jamais dressé devant lui, la famine. Ce fléau torturait Québec depuis plusieurs mois quand une flotte anglaise vint menacer de ses canons la vie des quelques Français groupés autour du fort Saint-Louis. Comment résister à tant de calamités? Il ne le pouvait pas, même s'il l'eût voulu, n'ayant à sa disposition ni pain ni poudre. Québec capitula honorablement et son fondateur, subissant le sort des armes, reprit avec le plus grand nombre le chemin de la France. C'était, pour Champlain, l'exil. Jamais homme ne ressentit autant de chagrin que le père de la Nouvelle-France qui voyait en un seul jour l'anéantissement de 20 années de travaux incessants. « Les jours me paraissent des mois », s'écriait-il sans cesse. Se décourage-t-il dans son malheur? Renonce-t-il pour toujours à sa colonie qu'il a entourée de tant de soins et qu'il a, pour ainsi dire, enlevée à la rapacité de compatriotes sans cœur? Loin de se laisser abattre par l'adversité, Champlain, à qui le malheur apporte comme un regain de courage, travaillera à faire restituer à ses anciens maîtres un pays qui leur a été enlevé au mépris d'un traité solennellement conclu. Il ne se lassera point tant qu'il n'aura pas planté lui-même sur la cime du Cap Diamant le drapeau fleur-de-lysée de son roi. En 1633, Champlain quittait de nouveau la France pour venir prendre les rênes du pouvoir. C'est à Québec qu'il vivra encore pendant 2 années, à côté de ses chers colons et des sauvages, ses amis, avant que d'aller rendre compte au grand maître de son administration. Du haut de son petit fort, il voit avec orgueil se développer le rameau qu'il a transplanté de France. Du côté de Beauport, des maisonnettes de jolie apparence s'élèvent à proximité du manoir seigneurial. Sur les bords de la rivière Léret, les jésuites ont fait ériger un modeste couvent qui sert à la fois de résidence religieuse et de séminaire aux petits-enfants des bois. L'agriculture commence à prendre de l'essor. Robert Giffard et des émigrants venus de Perche et de la Normandie ont déjà grossi le faible noyau de la population restée au pays après la capitulation de Québec. Près du fort, le petit clocher de Notre-Dame de Recouvrance annonce aux habitants que le vœu du gouverneur a été fidèlement rempli. La colonie allait donc entrer dans une nouvelle ère de prospérité, de paix et de bonheur, quand le jour même où l'Église fête la naissance du Rédempteur de l'humanité, tout Québec assistait en larmes au dernier moment de celui qui avait été son sauveur et son fondateur. Le 25 décembre 1535, après avoir reçu une dernière absolution du Père Célallemand, Champlain quittait cette vallée de larmes pour aller recevoir la récompense de 40 années de dévouement à la religion et à la patrie de ses pères. La première période, qui fait le sujet de ce volume, comprend les voyages de Champlain aux Indes, à Tadoussac, son séjour en Acadie et l'histoire de la colonie depuis la fondation de Québec jusqu'à l'arrivée des pères Récollets en 1615. Prise dans l'ensemble, cette phase peut être considérée comme la plus importante au point de vue des explorations et des découvertes. Le second livre aura surtout pour objet de faire connaître les efforts des missionnaires récollets pour convertir les sauvages et l'appui qu'ils reçurent de Champlain dans leur œuvre d'évangélisation. Ce fut durant cette période que les premiers colons vinrent se fixer à Québec. Jusque-là, Champlain n'avait eu pour compagnons sur cette terre étrangère que des interprètes, des commis et des employés, gens peu disposés à se fixer au pays. Deux compagnies de marchands viendront en conflit et la colonie sera sérieusement menacée dans son existence. Ce n'est que grâce à une sage intervention de la part de Champlain que les querelles s'apaiseront et que la paix régnera bientôt au sein de la population. Ce second livre embrassera une période de 10 années, de 1615 à 1625. Avec l'arrivée des Jésuites, le cercle des missions sauvages prendra plus d'extension. La traite, durant cette période de 1625 à 1629, se continue toujours sur un grand pied, avec une organisation plus régulière. La création de la Compagnie des Cent Associés, sous l'impulsion du noble cardinal de Richelieu, aurait sauvé Québec de la ruine si des circonstances malheureuses n'eussent empêché la flotte de Roquemont d'arriver à bon port. La famine suivit ce contretemps et, après elle, la capitulation de Champlain et sa rentrée en France. Tels sont les divers sujets qui entreront dans le cadre d'un troisième livre. Enfin, un dernier livre sera consacré au récit des événements des 6 dernières années de la vie de Champlain. Le pays est redevenu français. Les colons arrivent en assez bon nombre. Les Jésuites, de retour depuis 1632, établiront bientôt des résidences dans les endroits où le besoin de missionnaires se fait le plus vivement sentir. Champlain régularise les affaires de traite en fixant un marché unique aux nations qui s'y livrent. Enfin, la colonie progresse sous le double aspect religieux et matériel lorsque la mort vient frapper son premier gouverneur et l'enlever à l'affection des Français et des sauvages. Puisse cet humble travail tourner entièrement à la gloire de notre fondateur. Puisse aussi nos compatriotes puiser dans ces pages qui leur sont dédiées l'amour de leurs ancêtres et pour Champlain, le respect et l'admiration. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté l'introduction de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.